comprendre un bulletin météo à la radio. Exercice 5. Il est 7h. Pour commencer, un petit point sur la météo avec Élodie Martin. Bonjour à tous. La météo d'aujourd'hui, c'est le printemps. Un temps ensoleillé presque partout, malgré quelques nuages sur les frontières du nord-est du pays, ainsi que sur la pointe nord-ouest. Beaucoup de pluie sur Lyon et Clermont-Ferrand, beaucoup de vent en Méditerranée. Concernant les températures ce matin, nous aurons 3 degrés à Lille et Bordeaux, 8 à Brest et 7 à Bastia. Cet après-midi, les températures remontent avec 13 à Lille, Bordeaux et Brest et 17 à Bastia. Pour le week-end, le beau temps continuera, le soleil sera présent sur l'ensemble du territoire. Et pour terminer, bonne fête à toutes les Mathildes, une excellente journée sur France Info et à demain.